plus envie. Et cran plus plat, petit petit, perdu au fond du lit. Internet, je tire fou, urgent chez Apple flou. iPod, iPhone, iPad en panne, sans connexion, quel drame. L'écran des voiles, la connexion s'installe. Si on dévie, submergé d'envie. Interactif, mémoire à vif, perte de données, l'air étonné. Emails sans mail, se font la belle, consomme et voyelle. Aucun profil, sans blog à part, des amis en poire rare. Au bout du fil, sourire tactile, sans fin l'ennui des fils. Incitation, démonstration, inutile fonction. L'écran dévoile, connexion s'installe. Si on est vif, submergé d'envie. Interactif, mémoire à vif. Perte de données, connexion